بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue cette série de cours, barakallahu fikoum, sur les règles du jeûne, tirées du livre Ar-Risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani al-Maliki. Il dit, rahimahullahu ta'ala, wa laysa ala man aftara fi qada'i ramadan kaffara. Celui qui rompt son jeûne en pleine journée, donc une journée durant laquelle il rattrape un jour manqué de ramadan, celui qui est dans cette situation, il n'a pas d'expiation. Donc une personne qui est en dehors du mois de Ramadan, en train de rattraper son jeûne, et pendant la journée, elle va rompre son jeûne. Pour une raison, elle affaiblit. Là, pendant Ramadan, c'est plus facile, tout le monde jeûnait. Là, elle est seule à jeûner, elle voit le bon repas qui est là, elle faiblit, elle mange. Alors qu'elle est en train de rattraper des jours manquants de Ramadan. Il nous dit, l'auteur, rahimahullah, il n'y a pas d'expiation. Et donc ici, barakallahu fikoum, oui, effectivement, c'est grave de faire cela. Lorsque tu as commencé à rattraper ta journée de Ramadan, il faut la finir. Là, tu es dans une obligation. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une expiation? Non. On avait déjà vu la base concernant celui qui va rompre son jeûne en pleine journée de Ramadan. La vie la plus juste, c'est qu'il n'y a pas d'expiation. Al-Malikiya, ils ont dit qu'il y a une expiation, mais il n'y a pas de preuve sur cela. La vie la plus juste, c'est la vie de Jumhur. La majorité des savants, ils voient tous qu'il n'y a pas d'expiation pour celui qui rompt son jeûne en mangeant ou en buvant en pleine journée de Ramadan. Et donc, que dire celui qui est en train de rattraper? Il n'est pas pendant Ramadan, il est en train de rattraper. Et donc ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, ومن أغمي عليه ليلا فأفطر بعد فأفطر فأفاق عفوا ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم. Celui qui s'évanouit pendant la nuit. On avait vu parmi les premiers cours, on avait vu que l'intention est une des conditions et un des piliers du jeûne. La personne doit avoir l'intention de jeûner avant le fajr. Et donc ici l'auteur il nous dit, celui qui s'évanouit durant la nuit, il a un accident, un événement qui fait que durant la nuit il s'est évanoui et il ne se réveille que durant la journée. Alors là l'auteur il nous dit, rahimahullah ta'ala, alors cette personne là elle doit rattraper son jour de jeûne. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu l'intention au début de la journée, parce qu'elle était évanouie. Et ça, c'est la vie, c'est pas la vie que de Al-Malikiya, mais c'est la vie de la majorité des savants. C'est la vie de la majorité des savants. Les seuls qui ont contredit cela, c'est les Ahnaf, les savants de l'école, donc du madhhab de Abu Hanifa. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont dit que celui qui est évanoui, c'est comme s'il dort. Et donc, ils l'ont comparé à celui qui dort. Celui qui dort, il va dormir, il a l'intention de jeûner le lendemain. Il s'endort, il se réveille après l'Eden du Fajr. Après l'Eden du Fajr, il se réveille. On est tous d'accord sur le fait que son jeûne est correct. Il avait déjà l'intention la veille. Il allait dormir. Il se réveille après Fajr. Le seul truc qu'on va lui dire, c'est « t'as pas pu prendre le suhour ». C'est le seul truc qu'on va lui dire. « Tu n'as pas pu prendre le suhour pour prendre un peu de force, prendre un peu d'eau avant de jeûner. » Mais son jeûne, il est correct. Abu Hanifa, il dit « Eh bien, celui qui s'est évanoui et qui s'est réveillé après le lever du soleil est comme celui qui s'est endormi et qui s'est réveillé après le lever du soleil. » C'est pareil. Sauf que Al-Jumhur, ils disent « Non ». Non, non. Celui qui s'est évanoui n'est pas comparable à celui qui est endormi. Celui qui est endormi, tu viens, tu dis, Mohamed, réveille-toi. Il se réveille. Yazid, allez, allez, allez, mon frère, réveille trois fois les prières Fajr là. Il se réveille, s'il a du mal un peu à se réveiller, alhamdoulilah, tu vas, tu prends de l'eau au visage, et bien il se réveille. Par contre, celui qui est évanoui, non. C'est pour ça que les savants, Al-Jumhur, ils comparent celui qui est évanoui à Al-Majnoun. Al-Majnoun, le fou, celui qui a perdu sa raison. Parce que celui qui est évanoui, en fait, il n'a pas sa raison. Tu viens, tu le réveilles, il n'y a rien à faire. Il se peut que ça dure des mois et des mois comme ça. Et donc ils vont te dire, il est plus proche de celui qui a perdu sa raison que de celui qui dort. Et donc ici, barakallahu fikoum, la personne, je pense, wallahu a'lam, le mieux dans ce sujet, de sortir de la divergence, celui qui est évanoui et qui, pendant la nuit et qui se réveille durant la journée de Ramadan, l'avis le plus juste est qu'il rattrape son jeûne à la fin, bien entendu, quand il va mieux. Bien entendu. Tayyib. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, wa yanbaghi lis-sa'imi an yahfadha lisanahu wa jawarihahu wa yu'azzima min shahri Ramadan ma 'azzama Allah subhanahu. Et il convient au jeûneur de préserver sa langue et ses membres, c'est-à-dire de préserver sa langue de tomber dans l'interdit, et de préserver ses membres de tomber dans l'interdit. Et aussi, il lui convient d'avoir un profond respect de ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala a montré le respect de cela pendant Ramadan. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a montré le fait de faire attention, de faire très attention à certaines choses pendant le mois de Ramadan. Pourquoi ? Parce que l'objectif de ce mois, c'est qu'on atteigne la piété. Le mois de Ramadan, c'est une éducation. On éduque notre personne, notre nefs, pour nous améliorer, pour nous rapprocher d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous afin que vous atteigniez la piété. Et donc il est important qu'on comprenne cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit comme dans Sahih al-Bukhari, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, et dans certaines narrations wal jahla, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Celui qui ne délaisse pas قَوْلَ الزُّورِ, la parole fausse, rentre dans cela le mensonge, rentre dans cela tout ce qui contredit la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce qui contredit la parole d'Allah va rentrer dans قَوْلَ الزُّورِ. Et donc celui qui ne délaisse pas cela, et ne délaisse pas le fait d'œuvrer avec cela, d'œuvrer en faisant tout ce qui contredit la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wal jahl, ainsi que l'ignorance, c'est-à-dire le fait d'agir comme une personne qui ne connaît pas. Celui qui ne délaisse pas cela, alors Allah tabaraka wa ta'ala se passe du fait que cette personne délaisse sa boisson et sa nourriture. Dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Robba sa'imin. Robba sa'imin. Il se peut qu'un jeûneur, nasibuhu min as-sawmi al-jou'u wal-'atashi faqat. Il se peut qu'il y ait un jeûneur, certains jeûneurs, donc cette personne qui jeûne, il se peut que le bénéfice ou ce qu'elle a tiré de son jeûne, c'est juste le fait d'avoir eu faim et d'avoir eu soif. C'est tout. Rien de plus. Rien de plus. Juste le fait d'avoir eu faim et d'avoir eu soif. Sa journée n'a pas changé. Elle est là dans les péchés, etc. Taïeb, les frères, les péchés sont interdits pendant Ramadan et à l'extérieur de Ramadan, dans les autres mois aussi. Mais durant Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala a appuyé l'interdiction, il a montré que c'est encore plus interdit durant Ramadan, durant les mois sacrés. Et donc on doit faire attention à cela afin que l'on puisse tirer réellement profit de ce mois. Tu ne jeûnes pas juste pour avoir faim et avoir soif. C'est pas ça l'objectif du jeûne. Celui qui fait cela n'a pas compris l'objectif du jeûne de Ramadan. Et il y a certains savants, notamment les savants du Madhhab Zahiri, Ibn Hazm et d'autres, ils voient, en se basant sur ces textes que je viens de citer, ils voient que celui qui, par exemple, va faire de grands péchés, va insulter, va tomber dans la calomnie ou un péché que beaucoup peuvent faire très facilement, la médisance. Il voit que celui qui fait cela, son jeûne n'est pas valable. Son jeûne n'est pas valable. Pourquoi ? Parce que le prophète, il a dit, Allah se passe du fait que cette personne délaisse sa boisson et sa nourriture. Ibn Hazm, il voit que son jeûne n'est pas valable. L'imam Ahmed, rahimahullah, il fut interrogé concernant celui qui agit avec, qui parle d'une personne, qui fait de la médisance sur une personne. Il n'a pas répondu à la question d'Imam Ahmed. Il n'a pas répondu à la question en disant que est-ce que son jeûne est valable ou pas. Et donc ça nous montre le fait que c'est quelque chose de dangereux. Mais la vie, bien entendu, chez Al-Hanabila et chez Imam Al-Arba'a, les quatre écoles, c'est que le jeûne de cette personne est correct, du moins est valide. Le jeûne de cette personne est valide. Mais par contre, cette personne est dans un péché. Et cette personne ne profite pas correctement de son mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ » Et lorsque l'un d'entre vous jeûne, alors qu'il ne « la yarfath » Ça veut dire quoi ? La yarfath. Uhilla lakum laylat as-siyami ar-rafath ila nisa'ikum. Alors, ici, dans le verset, le mot ar-rafath, ce qui est voulu par là dans le verset, c'est, ils disent les savants de tafsir, kullu ma yuriduhu ar-rajulu min zawjatihi. Tout ce que l'homme veut de sa femme. Tout ce que l'homme veut de sa femme. Et nous dit, c'est ce qui est voulu par le mot ar-rafath dans le verset que j'ai cité. Mais par contre, dans ce hadith, ce qui est voulu par ar-rafath, c'est al-qawl al-fahish, la parole vulgaire. Et donc celui d'entre vous qui jeûne alors qu'il ne soit pas vulgaire, wala yasram, qu'il n'élève pas la voix comme ça. Mais comporte-toi correctement, avec adab, et parle correctement. Wa in shatamahu ahad, ou sabahu ahad. Et si quelqu'un l'insulte, alors qu'ils disent « Inni sa'im, inni sa'im ». Certes, je jeûne, certes, je jeûne. Et donc, il faut que chacun d'entre nous, on s'éduque pendant le jeûne. Afin qu'en dehors du jeûne, on arrive à s'améliorer. Parfois, certains ont du mal, ils se mettent vite en colère. Ils se mettent vite en colère. Le jeûne, c'est une éducation. Ça te permet d'apprendre à te retenir, à te contenir. Pour que après le jeûne, tu continues sur ce rythme-là. Tu continues sur ce rythme-là. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ensuite, il nous dit l'auteur rahimahullah, wa la yaqrubu as-sa'imu an-nisaa bi wat'in wa la mubashara wa la qubla. Et donc le jeûneur ne s'approche pas des femmes. Il ne s'approche pas des femmes. Ce qui est voulu ici, les épouses, en faisant le rapport, en ayant des contacts avec elle, en embrassant son épouse. L'ilevatin fi nahari Ramadan. Il ne fait pas cela pour avoir du plaisir durant la journée de Ramadan. Et donc l'auteur, il nous dit que celui qui jeûne, il est marié pendant la journée de Ramadan, il ne s'approche pas de sa femme pour avoir du plaisir. Il ne l'embrasse pas, il ne la touche pas. Les savants sont unanimes. Ils sont tous unanimes sur le fait que les rapports intimes durant le mois de Ramadan, durant la journée de Ramadan, vont rompre le jeûne. Ça, ils sont unanimes. Mais maintenant, si la personne va, l'homme va embrasser sa femme, ou toucher sa femme avec sa main, et qu'il ressent l'amour qu'il éprouve pour sa femme, et que cela crée en lui un plaisir, parce qu'il aime sa femme, c'est normal. Est-ce que cela annule son jeûne ou diminue son jeûne? C'est ça la question maintenant. Non? Non, mais il faut qu'il s'arrête vite. Hein? Il faut qu'il s'arrête. Il va se doucher. Il y a un homme qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Est-ce que l'homme peut faire cela? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cet homme, demande à Umm Salama. Et donc, il a demandé à Umm Salama, et Umm Salama lui a dit, oui, le prophète fait cela. Embrasser ses femmes et aussi toucher ses femmes pendant qu'il jeûne. Aïcha radhiyallahu anha, elle nous dit dans Al-Bukhari Muslim, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. Elle nous dit le prophète صلى الله عليه وسلم embrassait et avait des contacts alors qu'il jeûnait. Il embrassait, il avait des contacts avec ses épouses alors qu'il jeûnait. Mais il était celui qui retenait le plus ses désirs, ses besoins. Et donc, Aïcha radhiyallahu anha, ici, elle attire notre attention sur un point, c'est que, attention, si toi, tu sais que tu n'arrives pas à maîtriser tes besoins, tes désirs, ne va pas jouer avec le feu. Ne va pas jouer avec le feu. Et c'est à partir de là que les savants ont divergé. Certains, et c'est l'avis de Al-Malikiya, ils voient que la personne ne s'approche pas du tout de sa femme pendant Ramadan. Pourquoi? C'est pour préserver la personne, pour que tu ne tombes pas dans quoi que ce soit, ne le fais pas. Et certains savants, ils voient que on va faire la distinction entre le jeune et celui qui est âgé. Parce que celui qui est jeune, hein, va avoir plus de désirs, plus de besoins que le vieux, normalement. Il y a des exceptions, bien sûr. Mais la base, c'est ça. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Tazawwaju ya ma'shara shabab » Mariez-vous, ô les jeunes. Mariez-vous, ô les jeunes. C'est pour ça que c'est pas bien de laisser les jeunes célibataires longtemps comme ça. Et c'est pour ça que c'est bien que les pères musulmans, ils aident leurs enfants. Aide ton fils. Ne pense pas que il n'a pas de besoin. C'est un homme. C'est une créature d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé avec ça. Il a des besoins. N'attends pas qu'il tombe dans le péché et qu'ensuite tu sois déçu. Ah, mais mon fils, mais pourquoi je t'avais dit marie-le. Tu vas me dire, mais il est encore à l'école. Il a besoin de finir son doctorat. Je vais te dire, bien, écoute, en attendant qu'il finisse son doctorat, tu peux l'aider. Finance son mariage. Finance son mariage. Aide-le à pouvoir s'occuper de sa femme, etc., etc., pendant qu'il étudie. Aide-le, finance. C'est ton fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous dit pas ça pour rien. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, qu'on fasse tout pour préserver nos enfants, surtout à cette époque où il y a énormément de péchés, où c'est facile de tomber dans les péchés. Et donc il faut faire très très attention. Et donc certains savants, ils font la distinction entre les jeunes et les moins jeunes. D'autres savants, ils disent « El amru yaduru ma hajatil insan ». Ils disent « Tout dépend des besoins de la personne ». Si c'est une personne qui sait qu'il contrôle ses besoins, il contrôle ses désirs, alhamdoulilah, il peut embrasser son épouse, etc. Mais si c'est une personne qui sait qu'elle a du mal, tu te connais déjà, tu as du mal, alors ne t'approche pas. On ne se met pas dans une situation difficile et ensuite on demande « Il s'est passé ci, il s'est passé ça, comment on fait maintenant ?» Comment on fait maintenant? Parce que, comme on a dit la dernière fois, le sac ou le récipient de dattes qu'a eu le compagnon à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certains savants voient que c'est une exception. Cet homme qui a eu un rapport avec sa femme en pleine journée de Ramadan et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Est-ce que tu peux libérer un esclave ?» Non. Est-ce que tu peux jeûner 2 mois d'affilée ? Non. Est-ce que tu peux nourrir des pauvres ? Non. Eh bien, tiens, prends ça, va donner à des pauvres. Est-ce qu'il y a plus pauvre que moi au messager d'Allah? Eh bien, tiens, prends-le pour toi. Certains savants ont dit, c'est une exception, ça. Donc, il faut faire attention. Barakallahu fikoum. Tayyib. Ensuite, l'auteur il nous dit, وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ. Et tout cela ne lui est pas interdit pendant la nuit. Pendant la nuit, il peut faire donc avec son épouse tout ce qui lui avait été interdit pendant la journée, et les savants sont unanimes sur ce sujet. Et ensuite il dit wala ba'sa an yusbiha junuban min wat'in, et il n'y a pas de mal quant au fait que il se retrouve à l'aube, donc après l'apparition du fajr, en état d'impureté majeure. Il n'y a pas de mal à cela. On avait déjà abordé ce sujet et on avait déjà dit que ceci est correct. Ensuite, l'auteur, il aborde un autre sujet. C'est le dernier sujet qu'on va voir ce soir, Inch'Allah. Il nous dit « وَمَنْ اِلْتَذَّ فِي نَهَارِ رَمَضَانِ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ قُبْلَةٍ فَأَمْذَ لِذَلِكَ فَعْلِهِ الْقَضَى فَعْلِهِ الْقَضَى وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى أَمْنَّ فعليه الكفارة. Comment on va traduire ça? Alors, il dit, rahimahullah, celui qui prend du plaisir, c'est-à-dire du plaisir avec son épouse, durant la journée de Ramadan, en ayant des contacts, ou alors en l'embrassant, puis, amza al-madhi, c'est le liquide préséminal. Le liquide préséminal, c'est un liquide qui va donc descendre, qui va couler des parties intimes de l'homme lorsque l'homme va avoir une pensée, lorsque l'homme va avoir un désir, etc., etc., etc. Et donc, il nous dit l'auteur que celui qui va avoir un contact avec son épouse et que ceci va provoquer la coulée de ce liquide, alors il doit rattraper son jour de jeûne. Et celui qui fait encore plus de manière intentionnelle jusqu'à l'éjaculation, il a une expiation. L'expiation lui est imposée à ce moment-là. Et donc, le madhhab de l'imam Malik, rahimahullah, c'est que celui qui va avoir donc le liquide préséminal qui donc une coulée du liquide préséminal pendant la journée de Ramadan, il doit rattraper son jeûne. Il doit rattraper son jeûne. Ça, c'est le madhhab de l'imam Malik rahimahullah. Si, seul, et l'imam Ahmed aussi est d'accord avec lui en cela. L'imam Ahmed est d'accord avec l'imam Malik en ce sujet-là. Ils disent, si cette personne a réfléchi, elle s'imaginait des choses, ou alors elle a eu... Il parle aussi de tikrar et nazar, le fait de beaucoup regarder. Il regarde beaucoup son épouse, jusqu'à ce que cela arrive, etc., etc. Il rattrape le jour de jeûne. Ça, c'est Malik ainsi que Ahmed. Abu Hanifa et Shafi'i, ils disent non. Ils disent la coulée du liquide préséminal n'impose pas le roussel. Et c'est là qu'on revient à Kitab al-Tahara, le chapitre de la purification. Est-ce que à chaque fois que l'homme va avoir une coulée du liquide préséminal, il doit faire son roussel? Non, il ne fait pas son roussel. Il nettoie ses parties et refait ses ablutions. Et donc ils disent, à partir de là, elle est où la preuve qui montre que cela a annulé le jeûne de la personne? Il n'y a pas de preuve. Son jeûne n'a pas été annulé. Et donc celui qui est dans cette situation, l'avis le plus juste, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa al-Shafi'i sur ce sujet, c'est que cet homme, il continue de jeûner. Par contre, pour la prière, il faut se nettoyer correctement et faire ses ablutions. D'accord ? Ensuite, c'est pas fini, puisque l'auteur il nous dit, et s'il exagère, s'il dépasse cela de manière intentionnelle jusqu'à l'éjaculation, alors là, il a une kaffara, une expiation. Ça aussi, c'est l'avis de El-Malikiya. On a dit que El-Malikiya, il voit que la personne, à partir du moment où elle a rompu son jeûne, même si elle a bu, mangé, elle a rompu son jeûne de manière intentionnelle, elle a une expiation. Et donc ici, il continue encore, El-Malikiya. Ils nous disent qu'il a une expiation. Alors qu'en réalité, non, il n'y a pas de preuve. L'expiation concernant le jeûne du mois de Ramadan, elle concerne le rapport. Celui qui a un rapport, on ne parle pas d'éjaculation, c'est le rapport. Même s'il a un rapport et qu'il n'y a pas d'éjaculation, il a une expiation. Il a une expiation. Et donc ça, c'est important. Et aussi, le jeûne ici, par contre, c'est important de savoir que la personne qui a une éjaculation durant le mois de Ramadan, cette personne-là, elle a rompu son jeûne. Donc le liquide préséminal ne fait pas rompre le jeûne, mais l'éjaculation de manière intentionnelle fait rompre le jeûne. Je précise de manière intentionnelle. Pourquoi ? Parce qu'il y en a, il y a le cas de celui qui dort. Il va faire la sieste pendant la journée de Ramadan, il fait un rêve et il réalise que pendant son rêve, il a eu une éjaculation. Il n'a pas voulu cela. Son jeûne est toujours valable, il continue. Par contre, celui qui le fait de manière intentionnelle, il lui est obligatoire de se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala et de reprendre, de rattraper ce jour de jeûne par la suite. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.